Quand je frappe du pied, les arbres découpent les nuages. Et tout ça, je le fais pour mes sœurs assoiffées. Alors, la pluie fabrique des miroirs, comme si le ciel se penchant devenait notre couche. La nuit, nous guettons les bruits aux alentours. L'aspiration des fleurs, le craquement de nuit, le cliquetis des galets, le ronronnement du hibou, la respiration du silence des phalènes, le grondement des lignes, la respiration des fleurs, sur nos cheveux, sur nos cheveux, les lisses, le vent et les regrets. Nous sommes des paysages liquides où se jettent tous les hommes engourdis. La nuit, nos miroirs sont saturés. Nous en cueillons quelquefois pour parfaire nos coiffes. Alors, la rosée se mélange à nos parfums. Et le jour nous efface comme les mauvais rêves. Et le jour nous efface comme les mauvais rêves.